dans... Être un homme, c'est ne pas être dans... Attends un peu. Être un homme, c'est ne pas être dans... La contemplation de lui-même. Dans la foi. Ça commence. La bonne intime. Ouais, ben c'est l'eau vague. Ouais, c'est pour ça que la contemplation qu'il reste là, puis il est en train de être un homme, c'est ne pas être dans l'impression d'être un homme. Oh, quand t'es un homme, t'es pas dans l'impression d'être un homme. Tu es. Ouais. Tu n'as pas l'impression d'être un homme quand t'es un homme. Comprends-tu ça? T'es plus dans l'illusion. T'es plus dans l'impression. Alors, tu peux pas dire une non, tu peux pas être dans l'illusion parce que je suis pas une illusion. Mais je suis une illusion. Mais je suis une illusion par rapport à vous autres. Mais pas par rapport à moi-même. Pourquoi on a peur quand on prend conscience de ça? Parce qu'on on aime. C'est l'ego aussi. C'est l'ego. Quand t'es un homme, tu peux pas être dans l'impression d'être un homme, parce que être un homme, c'est pas l'impression que t'as d'être un homme. Être un homme, c'est d'autres choses que l'impression que t'as d'être un homme. Fait que quand t'es un homme, t'es plus dans l'impression d'être un homme, alors t'es un homme, pis à ce moment-là, être un homme, ça veut dire quelque chose qui est pas ce que tu penses quand t'es dans l'impression d'être un homme. C'est ça. Ouais, c'est ça, mais ouais. Pas dit, vous dites? Ah oui, ah oui. Ça clique, ça clique. Tu crois ça, Michel? Oui, ça clique. Il y avait un rapport important avec être un homme. Quand on se sent être un homme, on ne se sent plus esclave des corps qui le composent. C'est ça. Exactement. Ouais. Exactement. Une impression, c'est d'être soumis. C'est une impression, c'est... d'être soumis à la physique. Une impression, c'est... Une impression, c'est être soumis à la sensibilité de l'esprit de l'ego. L'esprit de l'ego, c'est la réflexion sur l'ego de l'infinité de l'âme. Puis l'ego n'est pas capable de prendre l'infinité de l'âme, alors il se rétrécit, il se rend compact et il diminue son humanité. C'est pour ça que les hommes ne sont pas capables de comprendre qu'est-ce que c'est l'infinité. Pourtant, c'est bien facile à comprendre l'infinité. Mais l'homme ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est l'infinité, parce que l'infinité, ça se sait par vibration et non par conception. Tu peux pas conceptualiser quelque chose d'infini. Tu peux vivre vibratoirement, point c'est tout. Je vais pas mettre le feu dans la maison. Avec ma... Là, c'est une énergie qui essaie de vous donner à votre esprit pour... ouvrir toujours... le mental. Comme, tu vois ce qu'il me dit, là. Nous autres, on est tous ici, hein? Mais. OK, bon, physiquement, là, on voit parce qu'on a un peu l'esprit, tout ça. Mais ce qu'ils disent, là, hein, c'est qu'on était mental, race, racine, au retour. Parce que c'est un droit, c'est vrai. Ils sont obligés, parce que moi, ça, c'est mon esprit, même ça, là-dedans. Ils sont obligés de demander. Parce que j'étais tellement mental, mais par les siècles passés, ils ont tellement endormi mon savoir, là. Que là, là, étant donné que ma source, là, ma racine, était d'expérimenter ce que j'ai voulu, ben, ils sont obligés de demander à ma source, qui est en moi, je le sais, j'ai le savoir. Puis ça, ils sont obligés, je leur ai dit, pour ça, ils sont assez obligés que c'est dans cette vie-ci, je connais, je vais attendre, je suis pas pressé, mais pas dans les siècles et des siècles, j'ai rien dépassé ici, hein. C'est tout de suite, cette vie-ci. Parce que moi, il y a des années, je me disais, je pense d'être capoté. Je disais, c'est-tu plate, ça? 50 minutes. C'est qu'on rose. Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il faut faire, là, pour 50 minutes? Mais tu vois, moi, ils sont obligés de m'emmener. Parce qu'ils sont obligés de m'emmener à toi, qui est à l'exception, qui est dans l'absolu. Là, tu vois, je vis assez, j'en rentre. Pas rien. L'ego qui amène, ça, clairement. Parce que lui, il accepte pas. Il dit, tu vas bourrer comme tu es. Ils sont obligés, c'est mon. Quand tu parles du droit, ça c'est mon droit, puis c'est mon Dieu, puis je vais l'avoir. C'est ça. Même si je suis pas d'accord, je m'en fous. Ils sont tous d'accord. Parce qu'ils me tirent la pipe, mais ils sont d'accord. Tu peux pas savoir quelque chose, puis pas le savoir. Ouais. Mais tu peux pas savoir quelque chose, puis pas le savoir. Ben oui.